C'est un bonbon, bonbon. L'été, elle fait la Rihanna. Elle veut qu'on quitte la street. Loin de la France, l'été au calma. C'est un bonbon, bonbon. L'été, elle fait la Rihanna. Elle veut qu'on quitte la street. Loin de la France, l'été au calma. J'déguste la vie sur pépé. Un dépé dans le féfé. Ça parle sur moi, j'suis peiné. Y'en a, j'leur parle plus, c'est rené. Alors que j'mets les gars, j'fais des tours. J'sens le hamper de Prada. J'ai ma chérie, mon pétou. J'suis trop loin pour ces j'ai bâtards. J'ai perdu mon temps. T'as vu tout ce qui t'en fait, ma chérie, mon calme. Combien de fois elle m'a vu tomber? On me dit prends ton time, boss. T'as vu tout ce qui t'en fait, ma chérie, mon calme. Combien de fois elle m'a vu tomber? C'est un bonbon, bonbon. L'été, elle fait la Rihanna. Elle veut qu'on quitte la street. Loin de la France, l'été au calme. C'est un bonbon, bonbon. L'été, elle fait la Rihanna. Elle veut qu'on quitte la street. Loin de la France, l'été au calme. Elle veut style à Phuket. La choupette, elle s'apprête. Blonde brunette, c'est une tana super coquette. Elle est chargée, rien qu'un tic. J'suis un petit charo, sous le soleil, joga bonito. Là, j'déguste avec la zone, avec le J à Salto. Dans le secteur, sous chapeau de paille, sous flash de Volvo. J'vois qu'ils sont tous fofo, habités sur un bateau. On est rallye dans la cité, elle veut que j'appelle Mamacita. Elle veut pas se marier, non, mais elle veut une dotajika. On me dit, prends ton temps. T'as vu tout